Kumama yonde nzambe, kumama yonde nzambe o. Kumama yonde nzambe, kumama yonde nzambe. Kumama yonde nzambe, kumama yonde nzambe. Kumama yonde nzambe, kumama yonde nzambe. Nzambe na lukana bajona lukana losambo. Yon nzamba bika mwa. Kumama yonde nzambe, kumama yonde nzambe. Na luki sizo pembeli okabola mere rouge. Na monika kanzeta mama yonde nzambe. Nzambe alongi sanga na makila ya pamba na beta taliko piteo. Mama yonde nzambe, mama yonde nzambe. Sois loué car tu es Dieu, sois loué car tu es Dieu. Sois loué car tu es Dieu, sois loué car tu es Dieu. Be glorified for you are God, be glorified for you are God. Be glorified for you are God, glorified for you are God. Oh, Kumama Yesué, oh, Kumama Yesué, je suis vainqueur par ton sang, je suis élevé par ton nom. Kumama, oh, Kumama Yesué, oh, Kumama Yesué, sois élevé mon Dieu, sois glorifié mon Père. Kumama Yesué, oh, Kumama Yesué, n'abaisse ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, n'abaisse ta mi lolo. Yahweh abongwa niteo azali ndenge moko. Yahweh abongwa niteo azali ndenge moko. Mon Dieu n'a pas changé oh, il est toujours le même. Mon Dieu n'a pas changé oh, il est toujours le même. My God, we never change, he is still the same. Mon Dieu n'a pas changé oh, il est toujours le même. Mon Dieu n'a pas changé oh, pendant que les hommes meurent. Yahweh abongwa niteo azali. Telemi na lenga nini yonde le point final. Amen zambe malamu yawe kumama bolinganga fana botama kumama. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, avait dit amen, amen, amen, amen, amen. Nabila kayo pesanga, na lingine na mona, amina tango yango yo. Ah, moni sanga elongi na yo e, selelo. Ngana mona loboko na yo elelo, selelo. Bakolanga imafuta na yo e, selelo. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Aujourd'hui, je veux voir ta gloire. Aujourd'hui, étends ta main dans ma vie par la louange. Aujourd'hui, donne-moi la victoire que Jéricho tombe encore. Aujourd'hui, na ligi, amina, na mona yo, amina, le oui, la mer, amina, na betata babo, amina, la ina betata babo, amina, na betata babo.